ciel étoilé, la poussière danse doucement, caressée par le vent chaud qui transporte les murmures d'un passé oublié. Sous le ciel étoilé, la poussière danse doucement, caressée par le vent chaud qui transporte les murmures d'un passé oublié. Ray avance, silhouette en transe, prêt à affronter les dangers, tapis dans l'obscurité de la nuit sombre. La poussière danse doucement, caressée par le vent chaud qui transporte les murmures d'un passé oublié. Sous le ciel étoilé, la poussière danse doucement, caressée par le vent chaud qui transporte les murmures d'un passé oublié. Tandis que le vent fredonne les yeux, les saints aussi le voient en prendre espoir. Mais te défie. Les murs de bois s'élèvent, frêles forteresses dressées contre le silence. Gardien fragile d'un monde en guerre et de nuit sans trêve. Mais les ombres rôdent dans le silence épais, prêtes à fondre sur les imprudents qui osent défier la nuit. Les fusils sont chargés, les chevaux piaffent d'impatience, annonçant l'arrivée imminente d'une tempête de feu et de sang. Dans Rust, chaque pas gravé dans la poussière est un serment silencieux, une promesse de lutte acharnée pour la survie. Les bottes frappent le sol dur, le bois craque sous la pression d'une nuit qui bascule inexorablement. La bataille gronde dans l'ombre, la peur s'insinue, mais les prières montent haut cherchant la lumière dans la tempête. Les fusils crachent, les âmes vacillent, mais une foi tenace éclaire la voix fragile mais invincible. Dans cette nuit incertaine, la force du groupe brise les chaînes du doute, avançant unis vers l'inconnu. Cowboy de Rust, gardien des terres arides, âme forgée par la lutte, battant au rythme des vents du désert. Sous les étoiles brûlantes, survivants lucides s'élèvent, défiant la nuit, liés par l'honneur et le courage. Fight a skill, guide infatigable, voix puissante, mène la charge au-delà des déserts brûlants. Dans ce vaste désert, chaque histoire gravée est une ode au combat, à la fraternité et à la volonté indomptable. Les étoiles veillent sur un saloon déserté, là où résonnent encore les échos d'âmes égarées de batailles anciennes. Les sabots martèlent la terre poussiéreuse, galopant au rythme d'une nuit où l'espoir et le danger s'entrelacent. Autour du feu, les visages marqués racontent les histoires de ceux qui bravent les ténèbres et les ravages. Sous l'ombre dense, les courageux avancent, défiant l'obscurité pour conquérir un monde impitoyable. Le vent se lève, portant les voix unies, portant les voix unies. Tambour et guitare s'élèvent, tambour et guitare s'élèvent, pour annoncer la bataille à venir. Le souffle s'accélère, le souffle s'accélère, la foi sent profondément, forgeant le courage nécessaire pour affronter la tempête. La bataille approche, lourde et inévitable, écrivant les dernières lignes d'un récit épique. Dans cette nuit agitée, une lumière fragile éclaire la voie, promettant la victoire aux plus vaillants. La nuit s'apaise doucement, Le chant du matin dissipe les ombres menaçantes. Dans le cœur du stream règne enfin la paix, bercé par l'espoir d'un nouveau jour. Gregory Bones. L'alerte est donnée, reste en feu, la chasse est lancée. Les caisses tombent, la cible est claire, Idescale veille prêt à la guerre. Les ennemis guettent, la tension est là, le loot est chaud, faut pas qu'on le rate. Les viewers spam, le chasse s'enflamme dans ce stream brutal, c'est le drame. Drop en ligne de mire, le combat commence, dans rue s'accroche, pas de romance. Le loot est roi, la guerre est déclarée, Idescale mène prêt à trancher. Hey regarde ce truck qui vient d'atterrir. C'est la folie sur Rast, faut pas le rater. Les viewers guettent, le chat s'enflamme. Ride de skill rigole, ça sent le drame. Des caisses qui tombent, des armes en pagaille. Mais moi je suis chill, je laisse faire la bataille. Pas dans le raid, je mate la scène. Mes viewers kiffent, le loot en scène. Drop it like it's loot. Faut être rapide ou tu perds ta route. Dangereuse, c'est la danse du chaos. Mais moi je reste zen, comme un héros. Drop it like it's loot. Faut être rapide ou tu perds ta route. Dangereuse, c'est la danse du chaos. Mais moi je reste zen. Méfie des grenades, la guerre s'annonce. Je sirote mon café, sans aucune panique. Mes viewers crient, c'est la fête. Drop général, c'est la tempête. Drop it like it's loot. Faut être rapide ou tu perds ta route. Dangereuse, c'est la danse du chaos. Mais moi je reste zen, comme un héros. Drop it like it's loot. Faut être rapide ou tu perds ta route. Dangereuse, c'est la danse du chaos. Mais moi je reste zen, comme un héros. Le chat spam. Crépite, la nuit s'épaissit, le vent porte les cris d'un combat fini. Riders Skill avance, le regard d'acier, sur ce front de feu, nul ne peut reculer. Les murs fragiles dans ce chaos, nos forces sont dociles. Les ennemis guettent, la peur s'installe. Mais nos voix s'élèvent, brisent le mal. Les viewers encouragent, la rage monte. Dans ce stream brûlant, la victoire à fond. Sur le front de feu, on tient bon. Le drop est là, la guerre sonne. Ride est-ce qu'il mène, voix unie. L'alliance du feu combat. Les balles sifflent, les flammes dansent. Le stream s'embrase, la foule en transe. Les ombres glissent, le vent hurle fort. Nos âmes s'unissent, brisent le sort. Les viewers vibrent, la team s'élance. Dans ce chaos, rien ne nous déplaît. Le sol tremble, la guerre est vive. Près de ce qu'il combat, la victoire arrive. Sur le front de feu, on tient bon, le drop est là. La guerre sonne, Red Skill mène, voix unie. L'alliance du feu, combat infini. Le métal gronde, temps s'arrête, la bataille s'intensifie. Les flammes dansent, la nuit amplifie. Le sang coule, la haine éclate. Dans ce combat, la rage éclate. Les ennemis tombent, les cris résonnent. La victoire s'écrit, la nuit couronne. Raiders qui hurlent, l'écho s'élève. Sur ce front de feu, la guerre se relève. Le souffle suspend, la tension grimpe. Raiders qui frappent, le silence imprime. Nos voix s'élèvent, un chant puissant. Pour la victoire, jusqu'au devant. Sur le front de feu, on tient bon. Le drop est là, la guerre sonne. Raiders qui mène, voix unie. L'alliance du feu, combat est fini. Le métal gronde, les cœurs battent. Dans la nuit noire, nos armes s'attaquent. Le feu est le feu. C'est la foi, ensemble on pense, ensemble on croit. La nuit s'apaise, l'aube s'éveille. Dans le cœur du stream, la paix sommeille. Les ruines fumantes, le vent porte les cris des âmes errantes. Raiders qui s'avance, casse vissée, prêt à défendre, à tout arracher. Le sol tremble sous le poids des batailles. Les étoiles guident nos âmes qui déraillent. La nuit est sombre mais l'espoir persiste. Dans ce monde brutal, notre force existe. Les bases s'élèvent, passion fragile. Mais les ennemis rôdent, plans subtils. Les pièges sont posés, les tourelles prêtes. La bataille approche, on ne fait pas de fête. Les viewers s'agitent, le chat s'enflamme. Chacun attend le moment où tout flamme. Le bois craque, le métal grince, d'horreuse. Chaque erreur a sa masse. Les ennemis avancent, silhouettes furtives. Mais Raiders Kill prépare les offensives. Les balles sifflent, la nuit s'embrasse. Chaque instant compte, la vie s'embrasse. Les guerriers des ombres unis dans la nuit. Face à la tempête, on tient le bruit. Raiders Kill mène voix en fusion. Dans Russe, c'est la vraie mission. Le feu, la peur, la force, la foi. Ensemble on avance, on ne lâche pas. La bataille fait rage, la nuit s'allume. Dans ce monde dur, on allume la brume. Guerriers des ombres, on tient la ligne. Dans le chaos, la rage s'aligne. Raiders qui guide, la meute s'élève. Dans cette nuit, on brise les grèves. Les balles fusent, le sol tremble. La bataille éclate, rien ne ressemble. Le camp s'embrase, les cris s'entrelacent. Les forces s'affrontent, la nuit s'efface. Les pièges claquent, la colère monte. Les alliés tombent, la rage affronte. Les viewers hurlent, la team répond. Dans ce combat, la victoire fond. Les pas résonnent, les ombres dansent. La tension grimpe, chaque seconde est une chance. Le loot scintille, la nuit s'allonge. Dans ce chaos, la survie plonge. Guerriers des ombres unis dans la nuit. Face à tempête, la neige tombe sur les cendres fumantes. Les loups hurlent, la chasse est lancée. Les alliés s'organisent, tactique précise. Chaque mouvement, une nouvelle surprise. Les hélicos tournent, les lumières dansent. Le feu embrase, la nuit s'avance. Les bases tombent, les murs s'effondrent. Dans ce chaos, les esprits grondent. Le loot s'amasse, la guerre continue. Raid est ce qu'il mène, la victoire est vue. Les alliances se font, les pactes se brisent. Dans Russe, c'est la loi qui s'impose et s'épuise. Les cris éclatent, la nuit est brûlante. Chaque instant est une lutte constante. Les flammes dansent, le métal chante. Dans ce stream dur, la rage est vivante. Les blessures sont nombreuses, les victoires rares. Chaque combat écrit notre histoire. Les tactiques évoluent, les pièges se posent. Dans cette jungle où la peur explose. Le camp est un théâtre, les joueurs acteurs. Raid est ce qu'il mène, guide les chasseurs. Se lève, les tambours battent. Le feu crépite, les ombres s'écartent. Le combat s'approche, la fin se dessine. Dans la nuit noire, la guerre s'incline. Les chants s'élèvent, la force grandit. Dans chaque voix, la volonté s'enfuit. Raid est ce qu'il mène, l'espoir guide. Dans ce chaos, rien ne décide. Aux guerriers des ombres unis dans la nuit. Face à la tempête, on tient le bruit. Raid est ce qu'il mène, voix en fusion. Déchaînée dans ce feu d'artifice, la flamme est allumée. Chaque instant compte, chaque souffle pèse. Dans cette lutte, l'âme se resserre. Le cœur bat fort, le souffle court. La bataille est là, c'est notre parcours. Les flammes montent, la nuit s'enflamme. Dans Russe, on sculpte notre propre flamme. Des ombres unies dans la nuit. Face à la tempête, on tient le bruit. Est ce qu'il mène, voix en fusion. Dans Russe, c'est grondante. Dans ces cas où l'ami brûlante, les voix chaînes, sa force monte. Dans ces combats, la victoire à fond. Les carreaux viennent, la bataille s'achève. Mais quand nos cœurs la ferment, ils sombres lèvent. Guerriers des ombres, unis dans la nuit. Face à la tempête, on tient le bruit. Riders qui commence, Russe s'agite, la peur s'avance. Le stream s'embrase, les viewers crient. Rire de ce qu'il veille, la nuit s'unit. Les ennemis rôdent, le loot s'accumule. Le chaos règne, rien ne recule. Le chat explose, la pression monte. Dans ce live brutal, la rage affronte. La chute des caisses, prépare-toi. Russe t'es dur, c'est la loi. Le loot est roi, la guerre s'éclate. Rien de ce qu'il mène, le stream éclate. Les balles salle fuse, la basse s'effondre, le feu brûle, la nuit est sombre. Les viewers vibrent, la haine monte, ruste et rude, la guerre à front. La chute des caisses, prépare-toi, ruste et dur, c'est la loi. Le loup des rois, la guerre s'éclate, Reader's Kill Man, le stream éclate. Le sol tremble, drop final, les ennemis tombent, le combat brutal. La tension explose, le sang coule, Raiders qui lutte, jamais ne recule. Le temps s'écoule, la pression monte, Raiders qui frappe, la guerre affronte. La chute des caisses, la nuit est à nous, Ruste et roi, le stream est fou. Le loup des rois, la guerre s'écrit, Raiders qui règne, le flow grandit. S'allonge, les étoiles brillent, le silence gronde. Arrête ce qu'il guette, l'œil affûté, dans cette traque, rien n'est lésé. Le vent porte les cris lointains des guerriers perdus dans leur destin. Le bois craque sous des pas feutrés, la chasse commence, rien n'est figé. Les feuilles craquent sous des pas furtifs, la chasse commence, le cœur est vif. Le loup se cache derrière chaque arbre, chaque ressource est un trésor rare. Les flammes lointaines éclairent la nuit, les pièges tendus prêts pour le bruit. Les vieux observent le chasse agir. Dans ce jeu cruel, la peur s'invite. Le vent porte un murmure lointain, la guerre approche, le sort est incertain. Mais les lueurs, la neige tombe, chaque pas résonne, l'ombre succombe. La base se dresse solide et fière, mais l'ennemi rôde, menace sévère. Fort sur le chemin sombre, on tient le port. Les ombres dansent, la rage est là. Ensemble on avance, on ne cédera pas. La chasse est rude, le combat brutal. Dans ce monde dur, on est immortel. Les balles sifflent, les cris résonnent. Le combat éclate, la nuit frissonne. Les ennemis guettent, prêts à fondre. Mais Raiders kill, c'est les confondre. Les viewers encouragent, la tension monte. Chaque seconde, la peur affronte, les pièges se referment, la lutte continue. Dans ce chaos, rien ne s'efface ou ne s'éteint. Le feu crépite, les murs s'effritent, dans la bataille, la rage s'invite. Les alliés tombent, les traîtres guettent, mais la team reste, la victoire projette. Les nuits sont longues, les jours brûlants, le temps est court, le cœur battant. Fort sur le chemin sombre, on tient le port. Les ombres dansent, la rage est là. Ensemble on avance, on ne cédera pas. La chasse est rude, le combat brutal. Dans ce monde dur, on est immortel. Le camp s'agite, les feux s'allument. Les voix s'élèvent, les cœurs s'allument. Les caisses ouvertes, le butin s'éparpille. Mais chaque victoire a sa part de péril. Les renforts arrivent, les cris fusent. La nuit s'enflamme, rien ne s'abuse. Les loups hurlent, la tempête gronde dans Ruste. chaque pas résonne. La survie est dure, le combat est long, mais ensemble on tient. Plus fort qu'un lion, les alliances brisées, les pactes trahis. Chaque mur raconte nos combats, nos vies. Le sang sur la pierre, la sueur sur le sol. On forge nos destins, dans ce contrôle les ennemis approchent. Mais on est prêt, chaque instant compte, on ne reculera jamais. Les flammes dansent sous un ciel obscur, dans ce chaos, notre rage dure. Le souffle suspend, la nuit s'étire. Riders qu'il frappe, la victoire inspire. Nos voix s'élèvent d'un chant guerrier. Pour la paix future, contre l'enfer. Les étoiles brillent, la nuit s'apaise. Mais dans nos cœurs brûle la braise. Le vent se lève, les tambours battent. Le feu crépite, les ombres s'écartent. Le combat s'approche, la fin se dessine. Dans la nuit noire, la guerre s'incline. Les chants s'élèvent, la force grandit. Dans chaque voix, la volonté s'enfuit. Rider ce qu'il mène, l'espoir guide. Dans ce éclate, Riders qui emmène la nuit s'emballe. flammes lèchent les ruines fumantes. Le vent porte les cris des âmes errantes. Riders Kill s'avance, casque vissé, prêt à défendre, à tout arracher. Le sol tremble sous le poids des batailles. Les étoiles guident nos âmes qui déraillent. La nuit est sombre, mais l'espoir persiste. Dans ce monde brutal, notre force existe. Les basses s'élèvent, solides et froides, mais le danger rôde, prêt à faire des plaies. Les pièges sont posés, les tourelles prêtes, la guerre s'annonce, pas de retraite. Les viewers s'agitent, le chat s'enflamme, chacun attend le moment où tout flamme. Le bois craque, la pierre résonne, dans la rue chaque erreur résonne. Les ennemis nous approchent, silhouettes sombres, mais rien n'esquisse, c'est où ils tombent. La poussière vole, les balles ciblent, les cœurs battent fort, les âmes vacillent. On forge nos armes, on monte nos murs, dans cette jungle de métal et d'azur. Chaque plan dessiné, chaque piège posé, on se vire ici, faut savoir d'où miser. Éclate, rien ne ressemble. Le camp s'embrase, les cris s'entrelacent. Les forces s'affrontent, la nuit s'efface. Les pièges claquent, la colère monte. Les alliés tombent, la rage affronte. Les viewers hurlent, la team répond. Dans ce combat, la victoire fond. Les pas résonnent, les ombres dansent. La tension grimpe, chaque seconde est une chance. Le loup scintille, la nuit s'allonge. Dans ce chaos, la survie plonge. Les alliés tombent, mais la team s'élève. L'espoir persiste, la bataille soulève. Le feu crépite, la nuit s'épaissit. Dans cette fumante. Les loups hurlent, la chasse est lancée. Les alliés s'organisent, tactique précise. Chaque mouvement, une nouvelle surprise. Les hélicos tournent, les lumières dansent. Le feu embrase, la nuit s'avance. Les bases tombent, les murs s'effondrent. Dans ce chaos, les esprits grondent. Le loup s'amasse, la guerre continue. Raiders Kill mène, la victoire est vue. Les alliances se font, les pactes se brisent. Dans rue, c'est la loi qui s'impose et s'épuise. Les cris éclatent, la nuit est brûlante. Chaque instant est une lutte constante. Les flammes dansent, le métal chante. Dans ce stream dur, la rage est vivante. Les blessures sont nombreuses, les victoires rares. Chaque combat écrit notre histoire. Les tactiques évoluent, les pièges se pendent. Dans cette jungle où la peur explose. Quand est un théâtre, les joueurs acteurs. Winners qu'ils mènent, guident les chasseurs. Se lève, les tambours battent, le feu crépite, les ombres s'écartent. Le combat s'approche, la fin se dessine. Dans la nuit noire, la guerre s'incline. Les chants s'élèvent, la force grandit. Dans chaque voix, la volonté s'enfuit. Riders Kill mène, l'espoir guide. Dans ce chaos, rien ne décide. Les voix s'unissent, la force se déchaîne. Dans ce feu d'artifice, le courage règne. Chaque seconde compte, chaque geste pèse. Dans la bataille, l'âme se resserre. Le souffle court, le cœur qui bat. La victoire s'écrit, rien ne l'arrêtera. Les flammes montent. La nuit s'enflamme. Dans Rust, on forge notre propre flamme. Nous sommes les mêmes. Nous sommes les maîtres du raid. Face au chaos, on ne cède pas. nuit s'apaise, l'aube est claire. Dans le cœur du stream, la paix se serre. S'étend, le vent murmure, les ombres dansent, la peur murmure. Red est-ce qu'il avance, prêt à dominer dans ce chaos, tout est prêt à exploser. Les étoiles cachées sous un voile de plomb, témoins silencieux d'un monde en fusion. Les caisses tombent, le sol résonne, chaque pas écrase la peur des tonnes. Unis dans la nuit, nos voix s'élèvent, le feu nous guide, la rage se relève. Les flammes brillent, la colère grandit, nos cœurs battent, la bataille survit. Les murs vacillent, la terre tremble. Pour Adersky, la victoire rassemble. Les ombres s'allongent, mais nous sommes forts. Dans cette guerre, rien ne nous déporte. Les cris s'élèvent, l'écho du combat. Chaque souffle compte, on ne lâche pas. Dans les échos du rêve, on fait front. Le drop arrive, le sort. Plane, les balles fusent, le stream s'enflamme, l'adrénaline s'infuse, les ombres guettent, la nuit s'embrase, nos âmes unies dans cette phase. Les viewers hurlent, la team répond, dans ce combat la rage s'enfonce, l'espoir brille malgré les flammes, Red Skill guide, la victoire proclame. Les pas résonnent sur le sol brûlant, la nuit s'étire, le temps est pressant, le souffle court. Le cœur qui bat, chaque instant compte, on ne faiblira pas. Dans les échos du rêve, on fait front. Le drop arrive, le sort est profond. Raid de skill mène, voix unie. L'alliance s'élève, la guerre infinie. L'acier se brise, le sang se mêle. Dans cette nuit, on défie le ciel. Le feu et la glace, la rage et la foi. Ensemble, on avance, on ne perdra pas. Les flammes dansent sous un ciel d'encre. Le vent hurle, la bataille s'ancre. Le sol trempe sous nos pas de géant. Ride est-ce qu'il lutte, guerrier et imposant. Les cris s'entrelacent, la douleur s'efface. Dans ce chaos, on trouve notre place. Le sang coule, mais la force grandit. Chaque victoire forge notre esprit. Le temps s'arrête, la nuit est vive. On avance unis, toujours en dérive. L'ennemi tombe, mais on reste debout. La guerre est longue, mais on garde le goût. Le souffle se fige, la tension monte. Red Skill frappe, le silence affronte. Nos voix résonnent, un champ d'acier. Pour la victoire, rien à céder. La nuit s'étire, le calme s'installe. Mais dans nos cœurs brûle la flamme vitale. Dans les échos du raid, on fait front. Le drop arrive, le sort est profond. Raid skill men, voix unie. L'alliance s'élève, la guerre infinie. L'acier se brise, le sang se mêle. Dans cette nuit on défie le ciel. Le feu et la glace, la rage et la foi. Ensemble on avance, on ne perdra pas. La nuit se tait, l'aube s'annonce. Dans le cœur du stream, la paix sommeille. Le feu et la glace, la rage et la foi, ensemble.

résonne. Mes raids qu'ils mènent jamais ne détonnent. Les viewers hurlent, la hype est là. Drop après drop, on ne faiblit pas. L'Hunter Santano fait le show sur Twitch, c'est Raiders qui le héros. La chasse continue, le loot est roi. Reste en live, on ne lâche pas. La nuit est longue, la chasse aussi. Raiders qui les presse, c'est parti. La nuit est longue, la chasse aussi. Raiders qui les presse, c'est parti. L'Hunter Santano fait le show sur Twitch, c'est Raiders qui le héros. La chasse continue, le loot est roi. Reste en live, on ne lâche pas. La nuit est profonde, le vent porte l'écho d'une guerre féconde. Raiders qu'il veille, prêt à guider dans ce chaos, une force partagée. Les caisses tombent, lourd est le silence, chaque pas résonne, signe la défiance. Nous sommes unis dans la nuit obscure. Nos voix s'élèvent, alliance pure. Les flammes dansent, la peur est présente, mais dans nos cœurs, la force est vivante. La basse tremble, sol se fissure, pour Raiders qui la victoire murmure. Tous ensemble, dans la tempête, le drop est là. S'anime, les cœurs s'affirment. Les ombres guettent, la nuit s'éclaire, nos âmes brûlent, unies dans l'air. Les viewers vibrent, la team répond, dans ce chaos la rage fond. L'espoir persiste, malgré les flammes, Raiders qu'il brille, éclaire nos âmes. La nuit est profonde, le vent porte l'écho d'une guerre féconde. Raiders qu'il veille, prêt à guider dans ce chaos, une force partagée. Les caisses tombent, lourd est le silence, chaque pas résonne, signe la Nous sommes unis dans la nuit obscure. Nos voix s'élèvent, alliance pure. Les flammes dansent, la peur est présente. Mais dans nos cœurs, la force est vivante. La base tremble, le sol se fissure. Pour Raiderski, la victoire murmure. Tous ensemble, dans la tempête. Le drop est là, la guerre s'apprête. Raiderski mène, voix en écho. L'alliance du drop, un combat féroce. Les balles sifflent, le stream s'anime, les cœurs s'affirment. Les ombres guettent, la nuit s'éclaire, nos âmes brûlent, unies dans l'air. Les viewers vibrent, la team répond, dans ce chaos la rage fond. L'espoir persiste, malgré les flammes, Raiderski brille, éclaire nos âmes. Tous ensemble, dans la tempête, le drop est là, la guerre s'apprête. Raiderski mène, voix en écho, l'alliance du drop, un combat féroce. Le temps se fige, le souffle suspendu. La bataille approche, l'instant est tendu. Raiderski frappe sans jamais faiblir. Dans cette nuit, la lumière à venir. Nous chantons fort, unissons nos voix. Pour la victoire jusqu'au bout de la voie. La nuit se calme, l'aube s'annonce. Dans le cœur du stream, la paix résonne. C'est l'heure qu'on approche, les caisses tombent, la tension grimpe. Raiderski veille, la guerre s'imprime. Les armes claquent, le vent hurle, le loot est chaud, la base bascule. Les ennemis chargent, la peur résonne, le stream est brut, la rage tonne. Prépare-toi, ruse t'es cruel, il n'y a pas de loi. Le loup des rois, stream dure, le feu s'allume. Le drop final, la fin s'embrase. La tension monte, le sang coule. Riders qui luttent, jamais ne recule. Le temps est compté, le combat s'intensifie. Riders qui le frappent, rien ne faiblit. C'est l'heure du drop. Le soleil pointe à l'horizon. Raiders qui se lèvent, prêts pour l'action. Les ombres s'effacent, le jour s'étire. Dans la forêt, le combat respire. La brise fraîche caresse les feuilles. Un nouveau départ, l'espoir se cueille. Les guerres s'ouvrent, le loot se fait rare, mais l'énergie monte, on prépare le bazar. La team se rassemble, prête à tout donner. Dans ce monde sauvage, faut jamais lâcher. Les murs montent solides comme l'Europe, chaque pierre posée, un défi comble. Les histoires s'écrivent dans la nuit, les feux dansent sous un ciel enfoui. Les alliés se confient, se donnent la force pour affronter la peur, la rage, la course. Chaque pas est lourd, chaque souffle compte dans ce jeu de vie. On affronte. C'est l'heure du combat, le jour se lève. Riders qui mène sa voix élève. Les âmes unies dans la même lumière. Dans Russe, la victoire est une prière. La forêt résonne de nos chants d'espoir. On avance ensemble. Le danger rôde, personne ne plie. Les bois grondent sous les pas du rival, mais la team veille, la défense est fatale. Le grain est dur, mais le cœur est fier. Chaque instant vécu forge la lumière. Les étoiles brillent encore haut dans le ciel. Nos voix s'élèvent, cœur essentiel. Dans ce monde rude, on trouve la paix. Malgré la guerre, on est lié à jamais. combat continue. La lumière guide dans l'ombre vers elle. La légende décide. La bataille s'engage, les cris montent. Riders kill crie, la team affronte. Les murs tiennent, la rage brûle. Chaque victoire est une fête qui s'accumule. Le calme revient, la nuit apaise. Mais la vigilance reste jamais en pause. Chaque étoile éclaire la voie dans ce sanctuaire. Les sons s'élèvent, l'espoir s'envole. Dans le vent frais, la flamme consomme. Riders kill sourit, prêt pour demain. Dans ce monde sauvage. La forêt chante, les voix s'unissent, farouches et vibrantes. Riders kill mène, la team suit. Dans cette lutte, rien ne fuit. Le feu brille, la nuit s'enfuit, mais la guerre continue. Dans ce monde sans bruit, c'est l'heure du combat. Sanctuaire, la lutte continue. La lutte. Qu'il se lève prêt pour l'action. Les ombres s'effacent, le jour s'étire. Dans la forêt, le combat respire. La brise fraîche caresse les feuilles. Un nouveau départ, l'espoir se cueille. Les caisses s'ouvrent, le loot se fera. Mais l'énergie monte, on prépare le bazar. La team se rassemble, prête à tout donner. Dans ce monde sauvage, faut jamais lâcher. Les murs montent, solides comme le roc. Chaque pierre posée

lumière. La forêt résonne de nos chants d'espoir. On avance ensemble loin du désespoir. Le soleil monte, la forêt s'éveille. Une nouvelle journée, un nouveau réveil. Radoskill avance, fier et debout. Dans ce sanctuaire, la lutte continue. Regarde le drop, mais pas dans le raid. Je suis là pour mes viewers, pas pour la bagarre. Les mecs s'affrontent, je reste au calme. Avec mon flow, je gère le game. Le loot tombe, le chaos explose. Moi je rigole, la tête posée. Pas là pour le raid, juste pour le show. Avec mes viewers, on fait le boulot. Le drop arrive, la fête commence. Ride skill, garde la cadence. Teddy pas là pour le raid, juste pour le show. Avec mes viewers, on fait le boulot. Le drop arrive, la fête commence. Ride skill, garde la cadence. Je spam le chat, j'envoie des vannes. Les raids explosent, c'est la cabane. Pas besoin d'armes, juste du fun. Sur Twitch on s'éclate, c'est pas du bling bling. Pas là pour le raid, juste pour le show. Avec mes viewers, on fait le boulot. Le drop arrive, la fête commence. High les skills, garde la cadence. Teddy pas là pour le raid, juste pour le show. Avec mes viewers, on fait le boulot. Le drop arrive, la fête commence. High les skills, garde la cadence. Est chaud, les viewers aussi. Riders Kill sourit, la victoire est ici. Le chat est chaud, les viewers aussi. Riders Kill sourit, la victoire est ici. Yeah! Yeah! Pas là pour le raid, mais pour le flow. Avec mes viewers, le stream est chaud. La hype est là, on lâche rien. Rustic Twitch, le duo malin. Regarde. Yeah. Je regarde le drop, mais pas dans le raid. J'suis là pour mes viewers, pas pour la bagarre. Les mecs s'affrontent, je reste au calme. Avec mon flow, je gère le game. Le loot tombe, le chaos explose. Moi je rigole, la tête posée. Pas là pour le raid, juste pour le show. Avec mes viewers, fais le boulot. Le drop arrive, la fête commence. Riders Kill garde la cadence. Je spam le chat, j'envoie des vannes. Les raids explosent, c'est la cabane. Pas besoin d'armes, juste du fun. Sur Twitch on s'éclate, c'est pas du bling bling. Pas là pour le raid, juste pour le show. Avec mes viewers, fais le boulot. Le drop arrive, la fête commence. Riders Kill garde la cadence. Le chat est chaud, le chat est chaud. Les viewers aussi, les viewers aussi. Ride skill sourit, ride skill sourit. La victoire est ici. Pas là pour le raid, mais pour le flow. Avec mes viewers, le stream est chaud. La hype est là, on lâche rien. Rust et Twitch, le duo malin. Feel Renda. Stream awakens with morning light. rider skills here, setting the vibe right. If you was tuned in, the energy flows. Together we ride where the rhythm goes. I drop the beat, the check comes alive. Every message a spark to revive. No flashy tricks, just real connection. Building moments, no need for perfection. Viewers gather, the family grows. In every stream, the story flows. The bass hums deep, the vibe is warm. Rider skill leads through every storm. Ride the way, feel the stream. Together we live the dream. Bass hits hard, voices blend. On Twitch with friends until the end. We laugh, we share, we keep it true. Ride a skills crew, me and you. Chat lights up, the fun explodes. We're riding high on streaming roads. Every laugh, every shout builds the vibe, there's no doubt. No fakes here, just real vibes. In this stream, the energy thrives. Rider skill spins, the sound just right. Guiding us through day and night. Ride the wave, feel the stream. Together we live the dream. Bass hits hard, voices blend. On Twitch with friends until the end. We laugh, we share, we keep it true. Go Rider skills crew. Every moment counts, every beat. The life is fire, the vibe's complete. We joke, we cheer, we sometimes clash, but always come back, the fun's a splash. Viewers unite, the family's strong. In this stream we all belong. The flow rises, the night ignites. Rider skill shines, the vibe just rise. A gentle pause, a breath to share. The stream moves on with tender care. Tomorrow's wait, a fresh new start. With rider skill close to heart. By the way, it's hard, voices blend. On Twitch with friends until the end. We laugh, we share, we keep it true. Rider skills crew, me and you. Me and you. Poussière tourbillonne sur la terre brûlante. Rider skill avance, silhouette prête à la lutte. Le vent transporte l'écho lointain des drops. Cadeau tombé du ciel offert par Fast Punch Studio. Veillant sur les combattants du stream. Les âmes qui bravent le désert se lèvent. Les bas s'élèvent, montées de mains tremblantes. Parfois solide, souvent fragile, elle défie la nuit le grain des rues. Chaque pierre pesante, mais l'espoir brûle dans chaque regard. Les fusils sont prêts, les sens en alerte. Le moindre son peut annoncer le chaos. La course aux ressources, la guerre sans fin. Dans Ruste, chaque victoire est un combat. La team s'organise, les voix s'élèvent. Une stratégie tissée au fil des nuits. Les liens se forment, solides comme le métal. Face aux assauts qui menacent sans cesse, le drop approche, le cœur bat plus fort. Chaque seconde compte dans cette course folle. Les regards se croisent, la détermination brille. Dans le désert, seul l'effort survit. Dans le feu de brise, nous sommes unis. Rider skill man, phare dans la tempête. Chaque rate ouverte est un souffle d'espoir. Un cadeau précieux, fruit des efforts. Sous les étoiles, la lutte continue. Nos voix résonnent, portées par la foi. Dans ce désert sans fin, la vie persiste et ensemble, nous forgeons notre destin. Les sabots frappent, les murs tremblent. Les flammes éclairent, les visages tendus. Les raids se succèdent sans répit ni trêve. Mais la résilience ne faiblit jamais. Riders qui crient, la team répond. Dans cette danse sauvage et féroce. Le loot scintille, trésor éphémère. Mais chaque instant compte, chaque souffle inspire. Les ruines racontent des histoires de courage. De nuit blanche sous un ciel indifférent. Les bases tombent, les flammes consument. Les cendres nourrissent la volonté. Dans ce monde impitoyable, nous avançons, guidés par la force et la détermination. Chaque drop reçu est un nouveau départ, un pas de plus vers la légende. Le vent s'élève, les voix s'unissent, dans la nuit la lumière grandit. Le combat fait rage mais la foi persiste, dans chaque cœur une flamme brûle. Riders qu'il mène, flamme éternelle, portant la team vers l'aube nouvelle. Dans le feu de ruse, nous sommes unis, Riders qu'il mène, phare dans la tempête. Chaque rate ouverte est un souffle d'espoir, un cadeau précieux, fruit des efforts. Sous les étoiles, la lutte continue, nos voix résonnent, portées par la foi. Dans ce désert sans fin, la vie persiste et ensemble, nous forgeons notre destin. La nuit s'apaise, les flammes faiblissent, le souffle du désert berce les âmes. Mais l'œil reste vif, la vigilance intacte, car la bataille peut reprendre à tout instant. Les sabots frappent, les voix s'élèvent, la tempête gronde, l'ultime affront. Riders qui crie, la team résiste, dans ce chaos la victoire se dessine. Les bases tombent, mais le cœur reste fidèle au combat, prêt à renaître. Le calme revient, la poussière retombe, dans le stream la paix se pose doucement. Mais demain, le désert s'éveillera et la lutte reprendra toujours plus forte. Dans le feu de ruse, nous sommes unis, Riders qu'il mène, phare dans la tempête. Chaque rate ouverte est un souffle d'espoir, un cadeau précieux, fruit des efforts. Sous les étoiles, la lutte continue, nos voix résonnent, portées par la foi. Dans ce désert sans fin, la vie persiste et ensemble, nous forgeons notre destin. Le jour se lève, la poussière s'apaise, dans le stream une nouvelle page s'écrit. Riders qu'il sourit, prêt à relever le défi. Dans ce monde sauvage, la légende continue. La lesquille vole, flamme éternelle, portant la team vers l'aube nouvelle. Dans le feu de ruste, nous sommes unis, Riders qu'il mène, phare dans la tempête. Chaque rate ouverte est un souffle d'espoir, un cadeau précieux, fruit des efforts. Sous les étoiles, la lutte continue, nos voix résonnent, portées par la foi. Dans ce désert sans fin, la vie persiste et ensemble, nous forgeons notre destin. Le jour se lève, la poussière s'apaise, dans le stream une nouvelle page s'écrit. Riders qu'il sourit, prêt à relever le défi. Dans ce monde sauvage, la légende continue. Mais de l'heure même, l'aube se lève sur le camp brisé. Riders qu'il marche, prêt à tout recommencer. Le vent emporte les cendres froides. Sous les premiers rayons, la vie reprend son cours. Le jour s'éveille, promesse d'espoir. Sous ce ciel vaste, tout peut repartir. Les caisses vides, mais le cœur rempli d'espoir. Chaque pierre amassée est un pas vers la victoire. La team s'éveille, prêt pour la bataille. Dans ce monde sauvage, seul le plus fort survit. Le bois craque sous la main habile. Les murs montent, solides, difficiles. Les ombres du passé s'effacent peu à peu. Riders qu'il chante. sente la force dans les yeux. Le grind recommence sans jamais fléchir. Dans la forêt dense, la guerre va grandir. Le vent porte des cris échos lointains. Chaque pas prépare le chemin. C'est l'aube nouvelle, le combat reprend. Ride a skill gear, la team en avant. Chaque jour est une lutte, chaque nuit une prière. Dans Russe, la survie est une lumière. Les voix s'élèvent, fortes et claires. La misère, les forêts bruissent de cris et de pas. Le bois s'empile, les murs se dressent là-bas. Les pièges se tendent, la vigilance est reine. Face à l'ennemi, rien ne freine. Le feu éclaire les visages fatigués. Mais la détermination ne faiblit jamais. Les vents portent les voix d'anciens guerriers. Le feu crépite, rassembleur de force. Les cœurs battent à l'unisson dans l'obscurité. Chaque bataille est une promesse renouvelée. Sous les étoiles, les plans se murmurent. Chaque allié, un frère qui perdure. Le vent s'élève, les voix s'entrelacent. Les tambours battent, la foi grandit. Le combat s'intensifie, la lumière guide. Dans ce désert vert, la légende s'apprête. Les pas reprennent, le combat continue. Ride a skill man, voix forte dans la nuit. La team avance, soudée et fière. Face au danger qui guette sans cesse. Les bases se reforment, plus solide qu'avant. Le grind est dur, mais la foi est plus forte. Chaque victoire est un hymne à la vie. Dans la forêt sauvage, la lutte persiste. La nuit s'apaise, le silence revient. Mais l'esprit reste vif, prêt à la lutte. Chaque étoile éclaire un espoir lointain. Dans la forêt, la force jamais ne s'arrête. Les voix s'apaisent, la nuit se dissipe. La flamme intérieure brûle toujours vive. Ride a skill sourit, prêt à demain. Dans ce monde vert, la légende perdue. Les sabots frappent, la forêt gronde. Les voix s'élèvent, défiant la nuit. Ride a skill crie, la team résiste. Dans ce sanctuaire, la victoire se dessine. Les bases tiennent, la lutte gagne. Mais le combat reste éternel et grand. Dans la forêt dense, nous sommes unis. Ride a skill gear, lumière dans l'obscurité. Chaque arbre garde le secret des combats. Dans Russe, la survie est un

Riders qui l'avancent, toujours debout. Dans ce sanctuaire sauveau, la lutte continue. La lutte continue. La lutte continue. La poussière s'élève doucement. Riders qu'il avance et voit silhouette solide. Solitaire dans l'immensité sauvage. Les vents portent l'écho des crates qui tombent. Bénédiction tombée du ciel. Parfum, punch, studios, gardien du style. Les pieds foulent la terre brûlante. Chaque pas compte. Le regard affûte et cherche le moindre signe, la moindre chance. Les bas s'élèvent éphémères. Forteresses sous le soleil ardent. Les drops s'annoncent promesses d'espoir au cœur du chaos. Les alliances se forment sous le ciel implacable. La confiance gagne au prix du sang et du silence. Les cris de la team résonnent unis contre la nuit. Face à face, puncher ses cadeaux, l'avenir se construit. Dans Rus, ensemble, on affronte la tempête. Riders kill, blame, summon, guidant les imperdus. Chaque crate ouverte est un souffle de vie offert par Fast Punch. Dans ce désert sans merci, les corps de vibre, le vent s'élève, les âmes s'unissent dans la lumière naissante. Le combat fait rage, mais l'espoir persiste. Dans chaque drop, une promesse de victoire. Les bases tombent, les flammes illuminent la nuit. Mais Riders Kill et la team tiennent bon, toujours prêts. Le grain ne s'arrête jamais. Chaque nuit est un défi face au danger. Chaque drop est un trésor salvateur. Warriors ensemble, on affronte la tempête. Riders Kill mène flamme. Perdu. Chaque crate ouverte est un souffle de vie offert par Fast Punch. Dans ce désert sans merci, la nuit s'apaise, la poussière retombe lentement. Dans le stream règne une paix fragile mais sincère. Riders Kill sourit, prêt à affronter demain. Dans ce monde sauvage, la lutte continue sans fin. Slalom Lyon. We'll be right back. est-ce qu'il guette le temps roule. Tension explose, le loot est chaud, la guerre s'oppose. Les viewers sur le chat s'emballent. Dans ce stream dur, rien déraille. Sous pression, le bas est là. Le risque d'en faire, l'enchaîné. Dans les départs, le sort à faire. On laisse qu'il merde par le sort. Les balles fusent, la base flanche. La pression monte, ruste et rude, la guerre affronte. Sous pression, là-bas et là, dans ruste en fight, rien ne s'arrête. Le loot est roi, le sang coule fort, vers ce qu'il mène, prépare le sort. Le temps s'écoule, la tension explose. Rider skill frappe, rien ne s'arrête. Sous pression, le stream s'enflamme. Dans ruste on vit, la rage réclame. Le loot est roi, la nuit éclate. Rire skill ring, la vibe éclate. S'éveille doucement, les ombres dansent au rythme des battements. Le sol craque sous les bottes usées. Dans Rast, la survie est une guerre sacrée. Scintille au sol, le bois s'empile, la pierre se fait contrôle. Dans la forêt dense ou la plaine aride, chaque ressource est un trésor qu'on évite. Le crâne s'enclenche, les mains sont agiles. Un arc se monte, une base fragile. Les pièges se posent, les tourelles s'allument. Le danger rôde, la tension s'allume. Les ennemis guettent prêts à fondre soudain. Le moindre ne faut pas plus compter la fin. Les vieux spamants, ferme la porte. La base est fragile, c'est la cohorte. Sur le front de Russe, la guerre. Un combat s'élève là-bas, s'effondre morose. Les balles sifflent, les cris s'entremêlent. Dans la nuit noire, la guerre appelle. Les vieux hurlent, la team se défend. Chargé résonne, le combat est prenant. Le loot s'envole, la poussière tourbillonne. Dans ce chaos, la rage résonne. Les pièges cachés, les ours en embuscade. L'ennemi tombe dans la glaciale façade. Les nuits sont longues, les jours violents. Dans Rust, chaque instant est brûlant. Sur le front. La nuit est oppressante, les hélicos tournent, traquent sans répit. Le drop final, c'est l'ultime défi. Les murs vacillent, le sol tremble fort, le feu consume, le temps est mort. Les viewers vibrent, la team s'unit. Dans ce chaos, la victoire suit. Les caisses s'ouvrent, le butin scintille. Mais chaque succès a son prix fragile. Les alliés tombent, les traîtres guettent. La guerre continue, la rage s'arrête jamais. Le froid mordant, le sable brûlant. Chaque pierre m'en forge, le survivant. Les alliances se font, les pactes se brisent. Secret d'un monde en fuite. Riders qui l'avance chargé d'armes et d'espoir. Chaque pas résonne comme un coup dans le noir. Le feu crépite, le camp s'éveille doucement. Les ombres dansent au rythme des battements. Le sol craque sous les bottes usées. Dans Rise, la survie est une guerre sacrée. Les caisses tombent, le loot scintille au sol. Le bois s'empile, la pierre se fait contrôle. Dans la forêt dense où la plaine arrive, Chaque ressource est un trésor qu'on évite. Le crabe s'enclenche, les mains sont agiles. Un arc se monte, une base fragile. Les pièges se posent, les tourelles s'allument. Le danger rôde, la tension s'allume. Les ennemis guettent, prêts à fondre soudain. Le moindre faux pas peut coûter la fin. Les viewers spam, ferme la porte. La base est fragile, c'est la cohorte. Sur le front de Russe, la guerre fait rage. Le drop est là, la bataille engage. Riders Kill mène le cœur blindé. Dans ce chaos, on doit résister. Du désert brûlant aux montagnes glacées, chaque biome cache un combat masqué. Les raids fusent, les bases tombent. Russe dérute, c'est la loi qui gronde. Les explosifs claquent, la porte explose. Le feu s'élève, la base s'effondre morose. Les balles sifflent, les cris s'entremêlent. Dans la nuit noire, la guerre appelle. Les viewers hurlent, la team se défend. Chargé résonne, le combat est prenant. Le loot s'envole, la poussière tourbillonne. Dans ce chaos, la rage résonne. Les pièges cachés, les ours en embuscade. L'ennemi tombe dans la glaciale façade. Les nuits sont longues, les jours violents. Dans Russe, chaque instant est brûlant. Sur le front de Russe, la guerre fait rage. Le drop est là, la bataille engage. Riders Kill mène le cœur blindé. Dans ce chaos, on doit résister. Un combat masqué, les raids fusent, les bases tombent. Russe dérute, c'est la loi qui gronde. La neige tombe sur les ruines fumantes. Les loups hurlent, la nuit est oppressante. Les hélicos tournent, traquent sans répit. Le drop final, c'est l'ultime défi. Les murs vacillent, le sol tremble fort. Le feu consume, le temps est mort. Les viewers vibrent, la team s'unit. Dans ce chaos, la victoire suit. Les caisses s'ouvrent, le butin s'intime. Et chaque succès a son prix fragile. Les alliés tombent, les traîtres. La guerre continue, la rage s'arrête jamais. Le froid mordant, le sable brûlant. Chaque bulle forge le survivant. Les alliances se font, les pactes se brisent. Dans recel, la loi qui s'impose et s'épuise. Les coups fusent, les cris éclatent. Le stream s'enflamme, la nuit est plate. Le souffle suspend, le silence pèse. Riders Kill frappe, le destin se déchaîne. Nos voix s'élèvent, un chant de bataille. Pour la victoire jusqu'à la muraille. Sur le front de Russe, la guerre fait rage. Le drop est là, la bataille engage. Riders Kill mène, le cœur blindé. Dans ce chaos, on doit résister. Du désert brûlant aux montagnes glacées. Chaque biome cache un combat masqué. Les raids fusent, les bases. C'est la loi qui gronde. La nuit s'apaise, l'aube s'élève. Dans le cœur du stream, la paix se rêve. Wow. La guerre déchaînée. La guerre réclame, le sol tremble, le combat éclate. Relais qu'il lutte, jamais ne rate. Le temps s'arrête, la pression grimpe. Riders qu'il frappe, rien ne s'arrête. Sur la plaine désertée, le vent raconte les histoires de ce tombé. Riders qu'il veille, sentinelle dans la nuit. Chaque seconde compte, chaque souffle construit. Les caissons grondent les machines. Le sol tremble sous des pas clandestins. Les flammes dessinent des ombres menaçantes. Sur les murs fatigués, l'histoire s'écrit lente. Les yeux scrutent, les doigts serrent les armes. Le danger rôde, mais nul ne désarme. Les viewers partagent la tension palpable. Dans ce combat cruel, rien n'est confortable. Veille sur le drop, la guerre est proche. Russe en furie, l'adrénaline s'approche. Riders qu'il mène, voix entremêlée. Ce chaos, l'union est sacrée. Le fer s'entrechoque, les cœurs battent fort. Sur le champ de bataille, on tient le fort. Le feu s'élève, la nuit se consume. Ensemble on avance, aucun ne s'allume. Les balles fusent, la base vacille. Le bruit du métal sur le sol scintille. Les ombres dansent dans la lueur des flammes. Nos voix s'élèvent, la guerre réclame. Les viewers vibrent, la tension s'installe. Dans ce combat, rien ne se dévale. La pluie de balles, la tempête s'intensifie. Riders qu'il frappe, l'ennemi plie. Play sur le drop, la guerre est proche. Russe en furie, l'adrénaline s'approche. Riders qu'il mène, voix entremêlée. Dans ce chaos, l'union est sacrée. Le fer s'entrechoque, les cœurs battent fort. Sur le champ de bataille, on tient le fort. Le feu s'élève, la nuit se consume. Ensemble on avance, aucun ne salue. Les flammes éclairent chaque visage. Les blessures parlent de la guerre menée. De la volonté de ne jamais plier. Les renforts arrivent, les cris se mêlent. La bataille s'intensifie, l'air chancelle. Riders qu'il guide, stratège aguerri. Chaque mouvement, chaque coup précis. Le temps s'efface seul contre le présent. Dans ce feu d'artifice, le cœur battant. Les caisses s'ouvrent, le butin s'accumule. Mais chaque victoire à son prix s'arrête. Les morts s'ajoutent à la liste noire. Mais la flamme continue d'éclairer l'espoir. Le souffle suspend. Le silence s'installe, la tension grimpe, la bataille s'emballe. Riders qu'il frappe, la lumière perce. Dans ce chaos, l'ordre s'inverse. Les voix s'élèvent, un chant puissant pour la victoire jusqu'au firmament. L'aube s'annonce dans le cœur du stream. La paix résonne. La lumière perce l'aube tranquille. Raderskill avance, déterminé, agile. Le vent danse entre les branches anciennes, le jour s'éveille. La bataille s'amène. Les murmures du bois racontent l'histoire d'un guerrier prêt à marquer sa mémoire. Les armes se préparent, la team s'unit. Chaque regard fixe un avenir construit. Les murs s'élèvent, le bois craque fort. Dans ce monde rude, rien n'est jamais mort. Les pas résonnent sur la terre battue. Chaque mouvement est calculé. Jamais perdu. Les ombres s'éloignent. La nuit s'efface. Riderskill chante avec force et grâce. Le grind reprend. Les forêts vibrent sous les parapluies. Les pièges se tendent, la peur avide. Les raids grondent, les murs résistent. Face à l'ennemi, la team insiste. Le feu éclaire les visages fatigués. Mais l'espoir jamais ne sera brisé. Battent sous un ciel étoilé. Les voix s'élèvent, prêtes à lutter. Chaque bataille forge des liens dans cette forêt. On tient nos mains sous la pluie ou dans le vent glacé. La force persiste, jamais cassée. Rain continue, la lutte s'enflamme. Raderskill avance, il rallume la flamme. La team s'accroche, forte et fière. Dans cette guerre, rien ne les défait. Les bases tiennent solides et fières. Chaque victoire éclate comme une prière. Les âmes en feu, mais la vigilance est un vœu pieux. Chaque étoile éclaire la voie dans cette forêt. On garde la foi. Les voix s'apaisent, le calme revient. La flamme intérieure brûle sans fin. Riders Guild sourit, prêt pour demain. Dans ce monde vert, tout recommence enfin. Team suit, chaque jour est une bataille, chaque nuit une prière. Dans Russe, la survie éclaire la lumière. Nos voix s'unissent au cœur des bois pour la victoire. Envers et contre toi. Le soleil monte, la forêt. Dans le stream, une nouvelle page se révèle. Riders Guild avance fier et debout. Dans ce sanctuaire, la lutte continue. Perce l'aube tranquille, Riders Guild avance déterminé, agile. Le vent danse entre les branches anciennes. Le jour s'éveille, la bataille s'amène. Les murmures du bois racontent l'histoire d'un guerrier prêt à marquer. Les armes se préparent, la team s'unit. Chaque regard fixe un avenir construit. Les murs s'élèvent, le bois craque fort. Dans ce monde rude, rien n'est jamais mort. Les pas résonnent sur la terre battue. Chaque mouvement est calculé, jamais perdu. L'ombre s'éloigne, la nuit s'efface. Riders Guild chante avec force et grâce. Le grain reprend la foi dans les yeux. Dans cette forêt, tout devient précieux. Le vent emporte nos voix dans l'air, portant l'espoir contre les galets. Riders Guild mène la team suite. Chaque jour est une bataille, chaque nuit une prière. Dans Russe, la survie éclaire la lumière. Nos voix s'unissent au cœur des bois pour la victoire envers et contre toi. Les forêts vibrent sous les pas rapides. Les pièges se tendent, la peur avide. Les raids grondent, les murs résistent. Face à l'ennemi, la team insiste. Le feu éclaire les visages fatigués. espoir jamais ne sera brisé. Les cœurs battent sous un ciel étoilé, les voix s'élèvent prêtes à lutter. Chaque bataille forge des liens, dans cette forêt on tient nos mains. Sous la pluie ou dans le vent glacé, la force persiste, jamais cassée. Le vent s'élève, les tambours battent, nos voix s'entrelacent, la foi éclate, le combat s'intensifie, la lumière guide dans ce sanctuaire, la légende décide. Le grain continue, la lutte s'enflamme, Radeskill avance, il rallume la flamme, la team s'accroche, forte et fière, dans cette guerre, rien ne les défaire, les bases tiennent solides et fières, chaque victoire éclate. Comme une prière. La nuit apaise les âmes en feu, mais la vigilance est un vœu pieux. Chaque étoile éclaire la voie. Dans cette forêt, on garde la foi. Les voix s'apaisent, le calme revient, la flamme intérieure brûle sans fin. Radeskill sourit prêt pour demain, dans ce monde vert, tout recommence enfin. Les sabots frappent, la forêt hurle, les voix s'élèvent défiant la nuit. Radeskill crie, la team résiste, dans ce combat la victoire insiste. Les bases tiennent, la lutte persiste, et dans ce monde la guerre existe. Importe nos cris, Radeskill mène la team suite. Chaque jour est une bataille, chaque nuit une prière. Dans Russe la survie éclaire la lumière. Nos voix s'unissent au cœur des bois pour la victoire envers et contre toi. Le soleil monte, la forêt s'éveille. Dans le stream une nouvelle page se révèle. Radeskill avance fier et debout. Dans ce sanctuaire, la lutte continue. Radeskill avance à Mloyal. Le vent caresse les feuilles endormies. Dans la forêt, la lutte est infinie. Les rayons percent, la brume pèse. Promesse d'un combat avec adresse. Les armes se préparent dans le silence. Chaque geste calculé, chaque présence. La team s'unit soudée comme un roc. Dans ce monde sauvage, le moindre faux pas choque. Les murs s'élèvent, le bois craque fort. Chaque plan trace une nouvelle porte. Les ombres s'effacent, la nuit recule. Radeskill chante, la force accumule. Le grind sans fin, l'espoir en tête. Dans la forêt danse, rien ne s'arrête. Le vent transporte nos murmures. Chaque pas forge une armure. Oh, l'aube nouvelle éclaire nos combats. Radeskill guide faiblit pas. Chaque jour une lutte, chaque nuit une prière. Dans Russe la survie éclaire la lumière. Nos voix résonnent en cœur des bras, unis pour toujours, envers et contre toi. Les forêts brisent de pas alertes, le bois s'empile des filles contre la perte. Les pièges près, la vigilance règne. Face aux ennemis, la rage enseigne. Le feu éclaire nos visages durs, mais la volonté est plus pure. Les vents racontent des légendes anciennes. Le feu rassemble et la foi nous entraîne. Les cœurs battent unis dans la nuit. Chaque bataille nous conduit. Sous les étoiles, les alliances nous. Chaque frère veille, jamais ne plie. Le vent se lève, la foi grandit. Les tambours battent, l'espoir surgit. Le combat avance, la lumière guide. Dans cette forêt, la légende règne. Les pas reprennent, le combat s'enflamme. Radez ce qu'il mène, éclaire la flamme. La team avance, forte et fière. Face au danger, la lutte éclaire. Les balles solides, le grain d'intense. Chaque victoire est une récompense. La nuit calme les esprits, mais la vigilance jamais ne fuit. Chaque étoile veille sur nos pas. Dans la forêt, l'espoir ne meurt pas. Les voix s'apaisent, la nuit décline. La flamme intérieure toujours s'illumine. Radeuse qu'il sourit, prêt pour demain. Dans ce sanctuaire, l'histoire continue son chemin. Les sabots frappent, la forêt hurle. Les voix s'élèvent, le feu crépite. Radurskil crie, la team résiste. Dans cette lutte, rien ne s'effrite. La victoire approche, la guerre danse. Mais le combat reste une éternelle transe. L'aube nouvelle éclaire nos combats. Radurskil guide et la team ne faiblit pas. Chaque jour une lutte, chaque nuit une prière. Dans Russe la survie éclaire la lumière. Nos voix résonnent au cœur des bois. Unis pour toujours, envers et contre toi. Le soleil se lève, la forêt respire. Dans le stream, une nouvelle page s'écrit. Radurskil avance, fier et droit. Dans ce sanctuaire, la lutte ne s'arrête pas. Thank you.

son chemin. Les sabots frappent la forêt hurle. Les voix s'élèvent, le feu crépite. Raiders qu'il crie, la team résiste. Dans cette lutte, rien ne s'effrite. La victoire approche, la guerre danse, mais le combat reste une éternelle transe. L'aube nous qu'il guide et la team ne faiblit pas. Chaque jour une lutte, chaque nuit une prière. Dans Russe la survie claire la lumière. Nos voix le soleil se lève, le soleil se lève, la forêt respire, la forêt respire. Dans le stream, une nouvelle page s'écrit. Riders qu'il avance, fier et droit. Dans ce sanctuaire, la lutte ne s'arrête.